17h06 et on est de retour à Change de disque sur CKRL 89.1 et on est en compagnie de Raymond Poirier. Salut Raymond. Bonjour Tania. Donc tu viens de faire une chronique sur, mon Dieu. Sur les technologies de l'information. Et cette semaine, en fait, on va porter un petit regard, en fait, sur des avancées numériques qui viennent transformer un peu nos villes. On en parle sporadiquement au fil des chroniques de la thématique urbaine, parce que reste que, comme on le dit souvent, c'est la première zone d'application des technologies, et c'est l'endroit aussi où nous, en tant que citoyens, citoyennes, où on vit, et où on ressent peut-être, dès le départ, ces modifications-là, et également, mais c'est quand même des modifications qui changent aussi notre manière d'envisager la ville, notre manière de construire la ville, et des changements qui sont quand même, somme toute, assez positifs, du moins l'impression première qu'on peut en avoir, c'est celle-là, parce que ça permet à nous, citoyens, citoyennes, mais de pouvoir justement avoir accès plus facilement à notre ville, à la transformer, à la construire, à la co-construire, etc., etc. Et un des éléments dont tu as peut-être déjà entendu parler, c'est le crowdsourcing. Absolument pas. Et là, je l'attendais parce que j'ai lu dans tes notes tout à l'heure. Je me disais, bon, on s'en va où avec ça? Fait que vas-y, explique-moi, Raymond, s'il te plaît. Mais le crowdsourcing, en fait, c'est de plus en plus répandu du côté américain comme du côté canadien, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Donc l'idée, c'est un peu grâce à des plateformes web, eh ben, de proposer des projets. Donc ça se fait beaucoup dans l'industrie de l'innovation. On voit des films aussi qui sont financés avec ça. Récemment, même des vedettes ont financé des films à coups de millions de dollars via le crowdsourcing. Donc, on met en ligne sur une plateforme web comme Kickstarter ou des choses comme ça. On propose un projet et donc les gens, en échange de certains éléments, d'une propriété partielle de l'innovation, de billets de spectacle, des choses comme ça, donc en lien avec le projet qu'on propose évidemment, mais viennent investir un montant dans le projet. Et tout ça dans une période quand même limité dans le temps. Donc, on a, par exemple, 30, 60, 90 jours pour aller chercher nos objectifs de financement. Si les objectifs de financement sont atteints, eh ben, ce que ça amène, c'est l'accès pour la personne qui a proposé le projet à cet argent-là, donc qui était dématérialisé, mais qui devient une réalité pour lui. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que de plus en plus, il y a des projets et il y a des initiatives façon Kickstarter qui sont développées à l'échelle des villes. Donc, on pense à Space Hive, Citizen Investor, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Ici, à Québec, dans une certaine mesure, il y a La Ruche également. Mais ce qui est intéressant avec Space Hive ou Citizen Investor, c'est que les projets qui doivent être développés le sont spécifiquement à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. C'est pas donc au bénéfice de gens qui habitent le quartier et qui feront rayonner la ville par X, Y, Z façon. C'est plutôt des outils qui sont développés pour permettre aux gens de proposer un projet de création. Par exemple, OK, on va faire une murale à tel endroit, ou OK, on a obtenu les permis, on va faire un trottoir dessiné à telle place, on va se monter un parc dans un terrain qu'on va acquérir au nom de la communauté, des choses comme ça. Et donc, c'est des projets qui ont une directe influence sur le quartier, qui sont proposés, qui sont financés par les gens qui habitent le quartier ou les gens qui veulent le financer de l'extérieur. Donc, un peu dans l'esprit de La Ruche, à un certain degré à Québec, mais encore un peu plus spécifique. Alors, c'est assez intéressant là-dessus, et évidemment, c'est le genre de plateforme qui, hors du numérique, ben n'existe pas, parce que ça permet justement ce type de partage-là, et à travers les réseaux sociaux et autres, ben de partager et diffuser aussi des initiatives comme celle-là. Et pour ce qui est des investisseurs advenants où le projet aboutit pas, Raymond, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ton argent est remis. Donc, aussi simple que ça, ça se fait très honnêtement. Exactement, parce que de toute façon, en fait, la personne qui monte le projet n'a pas accès, point, à l'argent tant que le financement n'est pas atteint. Donc, c'est simplement des promesses d'investissement. Donc, on peut faire confiance là pour les gens méfiants un peu. Oui. On peut se lancer totalement là-dedans. On continue sur le deuxième point, donc information en temps réel. Oui, ça change quand même la donne, parce que jusqu'à récemment, quand on fait des études, des analyses, mais c'est rarement à partir de l'information en temps réel. Oui, il y en a à un certain degré, on peut penser à la météo qui parfois nous est donnée avec une précision quand même assez importante, mais de manière encore plus large, reste que si on y va il y a une dizaine d'années au niveau de l'information, au niveau de la circulation et autres, eh ben il y avait peu d'accès au temps réel en dehors de quelques chroniques radio, par exemple, pour la circulation et autres. Alors que là, aujourd'hui, mais il y a des outils qui sont rendus disponibles pour avoir des tweets en temps réel sur l'état de la circulation, des analyses en temps réel à partir de caméras, des analyses à partir des caméras qui peuvent calculer encore plus précisément le nombre d'auto-minutes, etc., etc. On est dans une société où chaque citoyen avec nos téléphones intelligents ou avec tout simplement des puces, des montres, des appareils numériques peuvent devenir des capteurs volontaires ou involontaires, malheureusement. Donc, il y a beaucoup plus d'informations qui sont disponibles et qui permet donc aux gens de faire connaître des réalités, de faire connaître des problèmes. Si on y va au niveau urbain très basique, si on permet l'anglicisme, on peut penser par exemple aux outils de signalisation de tags, de lampadaires défectueux, d'encombrements sur la voie publique, des choses comme ça qui, il y a quelque temps, ben, nécessitaient quand même qu'on trouve un téléphone, qu'on appelle, qu'on donne la signalisation, qu'on raccroche, qu'on attende. Et là, ben, avec certains outils, on peut penser à Needpool CA par exemple, ben on signale donc en temps réel cette information là et normalement, eh ben ça permet aussi de faciliter la gestion de la ville elle-même parce que ben on a accès aussi à ces informations là en tant que gestionnaire d'une ville beaucoup plus rapidement. Donc ça vient changer un peu la donne de ce côté-là et en même temps, ben ça veut dire aussi, on parlait tout à l'heure de construction d'une ville, ben à travers justement la volonté que des gens peuvent avoir d'être des émetteurs d'informations, ben ça peut changer la gestion de ville, voire même la gestion de crise aussi. On peut penser à l'époque de l'ouragan Sandy aux États-Unis, par exemple, il y avait eu quelques analyses qui étaient faites d'informations, mais à partir justement de différents comptes Twitter, à partir de témoignages de gens qui étaient là, donc l'information qui devenait presque croisable, entre guillemets, sur différentes plateformes. Si on pousse même un peu plus loin, il y a la ville d'Helsinki qui, elle, a développé un truc qui s'appelle Urban Flow, qui est pas déplaisant. Donc, c'est de dire, ben oui, pour l'instant, fait l'information dont je fais mention, elle existe. Elle existe, mais sur une multitude de plateformes. Si je veux avoir la météo, il faut que j'aille sur mon application météo. Si je veux avoir les informations de circulation, il faut que j'aille sur des éléments de circulation. Si je veux avoir des informations sur les chantiers routiers, c'est une autre application. Et tout ça est pas matérialisé, entre guillemets, non plus. Donc, il n'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones intelligents, des ordinateurs, mais on n'a pas nécessairement en tout temps accès à ces outils-là. Et donc, ce que la ville d'Helsinki a lancé comme idée il y a quelques années de ça, c'est d'essayer de faire des tableaux physiques qui seraient localisés dans différents quartiers de la ville. Et quand on va accéder à ces quartiers, à ces panneaux-là, et ben là, on a de l'information justement sur le climat et autres. On a de l'information sur les activités qui se trouvent dans la ville. Si on y va avec un autre tram, on peut avoir de l'information sur la circulation et les chantiers. On peut avoir de l'information sur la signalisation. On peut signaler des problèmes. Toutes les applications dont j'ai fait mention et d'autres qui deviennent donc localisées dans un même outil. Et cet outil-là, pour faire une présence un peu, eh ben, il y a quand même donc des bandes physiques qui lui sont associées pour que les touristes ou les citadins puissent avoir accès justement à l'information dont ils ont besoin. Sans être aussi élaboré que ça, je pense que ça se passe déjà un peu partout, des plaquettes comme ça où on entre dans une ville, on voit la température, on voit les activités de la fin de semaine, on voit où il y a des travaux où on ne doit pas passer, des espèces de panneaux, finalement des espèces d'ordinateurs qui sont un peu partout. Moi, je viens de Saint-Georges, on en a une à Saint-Georges, faut le dire qu'en Beauce, on n'est pas au top de la technologie quand même, donc ça s'en vient peut-être à Québec, pourquoi pas. Exactement, et l'idée, c'est de voir, enfin, on a des outils qui existent, mais comment les pousser plus loin pour rendre disponibles les flots d'informations qu'on retrouve, parce que de l'information émise, il y en a des tonnes, mais il s'agit d'aller de se donner des outils et des lieux où rassembler cette information-là avec idéalement le plus possible d'informations pertinentes. Effectivement. Et finalement, on continue avec application de déplacement. Explique-nous ça, Raymond. Mais on a esquissé un peu l'idée avec le temps réel au niveau de la circulation. Donc, c'est un exemple que je donne sporadiquement. D'ailleurs, quand on parle d'application de circulation, c'est un outil qui avait été développé en Europe qui cherche à planifier un peu à l'avance les tendances au niveau de la circulation. Et donc, ce qui, après, peut me permettre de savoir que dans 20 minutes, il risque d'avoir un embouteillage sur telle artère à cause de la circulation qui est en cours actuellement. Et donc, on me propose à l'avance de trouver des trajets alternatifs. Donc, ça évite d'engorger le centre-ville. Ça me donne des alternatives. Donc, ça permet d'éviter peut-être donc des délais importants. Évidemment, des impacts environnementaux aussi assez importants, parce que quand on met des milliers de voitures dans une rue en attente, eh ben on imagine qu'il y a beaucoup de CO2 qui est émis autour de ça. Donc, il y a des applications comme ça qui existent, qui sont développées. Et de plus en plus, eh ben on en voit pulluler comme ça des applications d'itinéraires, des applications d'accompagnement, que ce soit pour les déplacements en auto, que ce soit pour les déplacements à vélo aussi. Exemple, aux derniers Jeux olympiques, je crois que c'était du côté de Londres, il y en avait eu une application qui était pas inintéressante non plus, qui s'appelait en fait je ne retrouve pas le nom, mais ce qui s'appelait donc en fait une application mobile qui visait à encourager les Londoniens, les visiteurs à privilégier la marche, le vélo, les transports publics avec récompense à la clé. Donc l'idée dans cette application là c'est que pour chaque trajet effectué par des moyens de transport alternatifs, ben les utilisateurs remportaient des points qui pouvaient être échangés contre des bons d'achat, des coupons de réduction dans des commerces participants, etc., etc. Donc on donne des petites récompenses. Ça, c'est très vendeur, effectivement. C'est très vendeur. Ben, déjà, juste avec Foursquare, donc, qui est une application où on se tag, en fait, on se géolocalise dans un lieu X, Y ou Z, eh ben, on a des points, on devient le maire d'un lieu. Le nombre de fois qu'on est venu dans un lieu, certains commerces nous donnent des rabais avec ça. Donc, on voit que ça marche quand même beaucoup. Alors, eux, ils se disent, mais pourquoi pas l'utiliser avec des déplacements dans un contexte d'une activité précise? Mais c'est le genre d'outils qui peut être répandu un peu partout. Parallèlement, il y a d'autres types d'applications qui sont développées qui, eux, visent à chercher à évaluer la marchabilité d'un secteur. Donc, c'est quoi les trajets qu'on pourrait proposer qui sont les plus faciles à vélo, qui sont les plus faciles à pied, au niveau du stationnement, comment on peut réussir à accompagner quelqu'un pour se trouver plus rapidement du stationnement, à des postes de péage, évidemment. Donc, est-ce que, justement, quand quelqu'un s'inscrit, ben il y a un tag qui se fait, et donc là, on réussit à savoir donc quelles places sont occupées, quelles places ne sont pas occupées. Donc, encore là, on sauve du temps, on sauve des sous, on sauve aussi du CO2. Donc, c'est le genre d'outils qui se développent tranquillement. Et donc, une autre place que prend le numérique là, à l'intérieur des villes. Effectivement. Et données ouvertes, les données ouvertes. Oui, les données ouvertes, ça c'est, en fait, on en parle aussi sporadiquement. Québec a des données ouvertes d'ailleurs, ainsi que plusieurs villes canadiennes. C'est vraiment une tendance de plus en plus importante qui, tranquillement, risque de changer un peu la manière dont on perçoit les données publiques. Donc l'idée, c'est qu'on a des informations qui sont stockées dans les archives de la ville, dans les banques d'informations de la ville, qui sont pas toujours accessibles facilement pour le commun des mortels, parce qu'ils ont pas d'utilité précise actuellement. Donc, il y en a qui sont peut-être reliés, par exemple, à l'information de loisirs, les parcs et autres. Il y en a qui peuvent être reliés aux artères, aux travaux routiers, localisation de certains types d'établissements. On peut pousser un peu plus loin, évidemment, et rentrer dans des informations, bon, plus personnelles, des informations de santé, des informations de sondage, comme ceux de Statistique Canada et le reste. Donc, il y a beaucoup d'informations publiques qui est générée. Et selon les États, selon les villes, selon les pays, il y a une partie ou la totalité de ces informations-là qui sont rendues publiques, en s'assurant évidemment qu'ils ne peuvent pas être nominalisés si c'est une information qui peut relever un peu plus de la vie personnelle. Et donc, la grande question, c'est de voir maintenant quels changements ces informations-là peuvent amener dans l'utilisation de certains pans de la ville. Et encore là, on revient à l'idée de co-construction. Donc, on dit aux gens, ben voilà, nous, au fil des mandats que les citoyens ont donné à l'administration municipale, on a produit plein d'informations. Cette information-là a été utilisée pour la raison première pour laquelle elle a été traitée et produite, mais maintenant, on n'en a plus d'utilité, donc on vous les rend disponibles. Si vous avez une quelconque idée de quelque chose qui pourrait être fait avec un pan de données, en croisant des pans de données, eh bien, allez-y, on n'a pas de droit là-dessus, c'est d'information publique, donc utilisez-la et on va voir qu'est-ce qui va en ressortir. Et donc, ça donne des petites applications qui peuvent être assez intéressantes, que ce soit au niveau, bon, surtout de loisirs, parce que c'est les premières informations qui sont facilement rendues publiques là-dessus. Ça amène les villes ou des organismes à créer des événements, justement des hackathons, où il y a des créateurs qui vont se donner 48 heures pour inventer justement des applications en lien avec ces données publiques-là. Il y en a un même à Québec qui s'en vient, je crois, le 28-29 avril. À août prochain. Alors, c'est plein de petits éléments comme ça qui peuvent permettre donc aux citoyens et citoyennes de mettre en valeur des éléments de leur ville et de participer donc à la mise en valeur de ces éléments-là. Donc là, tout est rendu public et tout le monde a accès à tout. C'est ça que tu me dis? Pas tout. En fait, pour l'instant, il y a un pan d'information, une partie. En fait, j'imagine que les gens qui travaillent là-dedans ne diraient pas que c'est une grosse partie non plus. Disons, une partie non négligeable, mais pas majeure pour l'instant. Et tranquillement, il y aura une tendance à rendre public de plus en plus de pans d'information dans la mesure où on pourra. Ça reste donc, sécuritaire. Ça reste sécuritaire. Exactement. Et réalité augmentée, de quoi on parle? Ça, c'est la prochaine étape, si on peut dire. Donc, Donc, pour l'instant, c'est limité peut-être à un élément qui est d'ajouter de l'information au réel. Par exemple, on va le voir beaucoup avec Google Glass, on le voit déjà aussi avec les iPhones. Au départ, l'idée, c'est qu'on puisse, par exemple, ouvrir une application. Je prends un exemple, Wikitude. Et à partir de cette application-là, elle me géocalise, elle sait où je suis, et elle sait donc les éléments qui sont autour de moi, qui ont été tagués, que ce soit via Flickr, via dans Google Maps, dans Wikipédia et le reste. Et donc, elle me donne accès à l'information qui s'y trouve, mais dans une interface à saveur tridimensionnelle où, par exemple, si je me promène au coin de la 3e avenue, mais au coin de la 2e, j'utilise mon application à cet endroit-là, je vais voir, entre autres, qu'il y a CKRL à un coin de rue. Au-dessus de CKRL, il va peut-être avoir un petit drapeau avec donc l'information, si je clique dessus, de l'information sur la station, des photos, des images. Donc, on va aller installer un peu toute l'information libre qu'on est capable d'aller chercher sur cet élément-là. Ça se fait aussi dans le contexte d'applications de transport, un peu à saveur GPS, mais un peu plus imposant. Il y a même un browser, un navigateur pour appareils mobiles qui s'appelle Junaio, qui essaie aussi de se baser comme étant un navigateur dans la réalité, où justement on va agglomérer de l'information qu'on trouve en fonction des éléments qui sont reconnus par les capteurs de l'appareil. Donc c'est un peu une première étape. Évidemment, à partir de ça, l'idée, c'est aussi de continuer à développer peut-être des lieux qui sont virtuels, peut-être de faciliter une interaction entre l'utilisateur et le lieu, peut-être éventuellement de déboucher vers autre chose. Mais donc la réalité augmentée est quand même à ses débuts, et ça risque aussi, disons pour l'instant, d'ajouter une couche d'information additionnelle à l'endroit où on se trouve, et donc de rendre l'information accessible en temps réel et en lieu réel, donc de manière géosituée. Et l'information sur ce modem de recherche-là, finalement, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a un appareil intelligent, whatever, qui... Oui. Qui monte le... Exactement, tu peux simplement la télécharger avec ton cellulaire. Fait que toi, vraiment, si tu passes devant la station, on a cette application-là. Je pourrais. Le lieu est supporté par donc l'application, donc reste à voir ensuite au niveau des limitations de l'outil lui-même, mais techniquement, donc ce serait très simple. Et surtout qu'en même temps, cette information-là existe déjà, donc c'est pas de la nouvelle. À ce stade-ci, on n'est pas dans la création de nouvelles informations, mais plus à chercher à rentabiliser l'information qui est déjà disponible. Évidemment, ça peut aller beaucoup plus loin, mais donc on peut se promener dans la ville puis déjà voir apparaître donc un peu tout ce qui est tagué, un peu comme quand on circule dans Google Earth. Au bout du compte, donc on arrive par exemple en haut d'un quartier, on a de l'information sur un commerce, sur un lieu touristique, on a accès à Flickr, à l'information donc qui s'y trouve, on a accès à Wikipédia, le reste. Mais c'est un peu comme si on se promenait physiquement dans Google Earth. En fait, je pense que c'est la meilleure décision que je peux en faire, la meilleure description. Merci. Je pense que je comprends partiellement tout ça. On est parti de loin, Raymond, parce que je suis complètement nulle dans tout ce qui est technologie. Et j'ai jamais eu de cellulaire. Et je suis vraiment en retard sur tout le monde. Donc là, on vient de faire un grand pas. Je viens de peut-être voir un peu l'avenir de tout ça. Je vais être confrontée à ça éventuellement. Je devrais avoir un téléphone intelligent et je devrais être en temps réel tout le temps avec le reste de la planète un de ces jours, peut-être. Un de ces jours, parce que c'est pas une obligation et ça le sera jamais, j'imagine, mais ça risque de s'imposer ça comme un beau petit raccourci. Ça risque d'être assez pratique éventuellement. Et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, d'ailleurs, sur ce qu'on appelle la ville intelligente, qui inclut justement ce type de projet-là et beaucoup d'autres projets, mais je les réfère comme à l'habitude à notre site web itis.ulaval.ca. Il y a une section entièrement dédiée aux questions liées à la ville intelligente. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça me fait plaisir.